Exode chapitre 32. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait tant à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron, et ils lui dirent, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car, quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur répondit, « Mettez en pièces les bagues d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et incontinent tout le peuple mit en pièces, les bagues d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, qui les ayant reçues de leurs mains, forma l'or avec un burin, et il en fit un veau de fonte. Et ils dirent, ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Ce qu'Aaron ayant vu, il bâtit un autel devant le veau, et cria, en disant, demain il y aura une fête solennelle à l'Éternel. Ainsi ils se levèrent le lendemain dès le matin, et ils offrirent des holocaustes, et présentèrent des sacrifices de prospérité, et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour jouer. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais commandée, ils se sont fait un veau de fonte, et se sont prosternés devant lui, et lui ont sacrifié, et ont dit, « Ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » L'Éternel dit encore à Moïse, « J'ai regardé ce peuple, et voici, c'est un peuple de cou roide. Or, maintenant laisse-moi, et ma colère s'embrasera contre eux, et je les consumerai, mais je te ferai devenir une grande nation. » Alors Moïse supplia l'Éternel, son Dieu, et dit, « Ô Éternel, pourquoi ta colère s'embraserait-elle, contre ton peuple que tu as retiré du pays d'Égypte par une grande puissance, et par main forte ? Pourquoi diraient les Égyptiens, il les a retirés dans de mauvaises vues, pour les tuer sur les montagnes, et pour les consumer de dessus la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère, et te repens de ce mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, en leur disant, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à votre postérité tout ce pays dont j'ai parlé, et ils l'hériteront à jamais » et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Alors Moïse regarda, et descendit de la montagne, ayant en sa main les deux tables du témoignage, et les tables étaient écrites de leurs deux côtés, écrites de ça et de là. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était de l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Et Josué, entendant la voix du peuple qui faisait un grand bruit, dit à Moïse, « Il y a un bruit de bataille au camp. » Et Moïse lui répondit, « Ce n'est pas une voix ni un cri de gens qui soient les plus forts, ni une voix ni un cri de gens qui soient les plus faibles, mais j'entends une voix de gens qui chantent. » Et il arriva que lorsque Moïse fut approché du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'embrasa, et il jeta de ses mains les tables, et les rompit au pied de la montagne. Il prit ensuite le veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu, et le moulut jusqu'à ce qu'il fût en poudre, puis il répandit cette poudre dans de l'eau, et il en fit boire aux enfants d'Israël. Et Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple, que tu aies fait venir sur lui un si grand péché ?» Et Aaron lui répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'embrasse point, tu sais que ce peuple est porté au mal. Or ils m'ont dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car, quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Alors je leur ai dit, « Que celui qui a de l'or, le mette en pièces. » Et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et ce veau en est sorti. Or Moïse vit que le peuple était dénué, car Aaron l'avait dénué pour être en opprobre parmi leurs ennemis. Et Moïse, se tenant à la porte du camp, dit, « Qui est pour l'Éternel, qu'il vienne vers moi ?» Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent vers lui, et il leur dit, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée à son côté, passez et repassez de porte en porte par le camp, et que chacun de vous tue son frère, son ami, et son voisin. » Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse, et en ce jour-là il tomba du peuple environ 3000 hommes, Car Moïse avait dit, « Consacrez aujourd'hui vos mains à l'Éternel, chacun même contre son fils et contre son frère, afin que vous attiriez aujourd'hui sur vous la bénédiction. » Et le lendemain Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, mais je monterai maintenant vers l'Éternel, et peut-être je ferai propitiation pour votre péché. » Moïse donc retourna vers l'Éternel, et dit, « Hélas, je te prie, ce peuple a commis un grand péché en se faisant des dieux d'or. Mais, maintenant, pardonne-leur leur péché, sinon, efface-moi maintenant de ton livre que tu as écrit. » Et l'Éternel répondit à Moïse, « Qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple au lieu duquel je t'ai parlé. Voici, mon ange ira devant toi, et, le jour que je ferai punition, je punirai sur eux leurs péchés. » Ainsi l'Éternel frappa le peuple, parce qu'ils avaient été les auteurs du veau qu'Aaron avait fait.